Chapitre 7. Le journal d'un plongeur. Chaque fois qu'il en avait l'occasion, c'est-à-dire chaque fois qu'un bateau à vapeur passait à la portée du yacht, René en profitait pour faire savoir au peuplier qu'il était en pleine santé physique et morale. Toutes ses lettres se résumaient en ce mot « espoir ». Hélène savait quel espoir, et elle vibrait à l'unisson. Quant à Madame Caudal et au docteur Patrice, interprétant le mot dans le sens de leurs craintes et de leurs souhaits respectifs, ils allaient suivant cette fausse piste, habiles selon l'usage à se créer mille témoignages confirmant leur illusion. La bonne dame avait choisi Étienne pour confident de projet, jusqu'à ce jour découragé par l'attitude d'Hélène et de René. Et aujourd'hui, qu'elle croyait enfin les voir venir à de meilleurs sentiments, elle triomphait. Elle ne pouvait se tenir de parler de ses espérances, et 10 fois le jour, elle en infligeait l'expression au malheureux Patrice. « Ne remarquez-vous pas, docteur, comme Hélène a embelli ces dernières semaines ?»« Il me semble, madame, qu'il ne lui restait rien à gagner en ce sens, » déclarait Étienne, qui n'avait pas attendu jusque-là pour trouver Mademoiselle Rieux ce qu'il y avait de plus beau au monde. « mais si, vous ne voyez donc rien ?» Cela date de la terrible aventure de René. Vraiment, on peut appeler cet accident providentiel. Rue de Providence, alors. Oh, qui plus que moi le pense? Mais enfin, maintenant que tout danger a disparu, on ne peut que se réjouir du tour qu'ont pris les choses. Ces enfants étaient faits l'un pour l'autre, cela saute aux yeux. Jusqu'à leur propriété que ce serait un meurtre de séparer. Jugez donc. 200 hectares d'un seul tenant, que je me suis habituée à considérer comme indivisible pendant la longue minorité de mes 2 pupilles, que j'ai fait fructifier, j'ose le dire, aussi bien que tutrice le fit jamais. Tout le monde est unanime, madame, à reconnaître la supériorité de votre administration. Eh bien, vous savez, Étienne, s'il m'était cruel de penser que cette petite Hélène, élevée par moi, que je chéris absolument comme si elle était ma fille, abandonnerait un jour mon toit, qu'un étranger deviendrait le premier dans ses affections. N'est-ce pas le sort commun? Le sort commun? Vous en parlez à votre aise. Je voudrais vous y voir quand vous aurez une fille. Croiriez-vous qu'on a eu l'audace déjà de me la demander? Ah, je les ai bien reçus, les soupirants. Enfin, pour revenir à ce que nous disions, la voilà fixée, et moi, me voilà tranquille. Vous considérez que l'accord est fait entre René et Hélène? Ne les avez-vous pas observés? Pendant tout le séjour de mon fils ici, ils étaient inséparables. Ils avaient sans cesse quelque chose à se dire. Le plus indifférent le remarquait. Voyons, docteur, vous vous en êtes aperçu comme les autres. Un aveugle l'aurait vu. Ils étaient, comme vous dites, inséparables. Ne l'ont-ils pas toujours été? Mais cette fois, il y avait quelque chose de plus. Vous, si observateur, et qui les connaissez intimement, cela n'a pu vous échapper. Vous étiez là toutes les fois que nous avons reçu des nouvelles de René. Eh bien, elle rayonnait. C'est le mot, elle rayonnait. Juste au moment où son fiancé s'éloignait, dit pensivement le docteur que sa pénétration naturelle éclairait en dépit de lui-même. « N'y a-t-il pas là un symptôme qui semble contredire votre conviction ?»« Ah, vous n'imaginez pas ces âmes dominées par la passion de la mère !» s'écriait la bonne dame avec pétulance. « Pour elle, c'est un sacerdoce. Vous n'avez pas connu ma belle-sœur. C'était Hélène tout entière, une nature héroïque capable de sacrifier sans une plainte ce qu'elle avait de plus cher pour le service de la patrie. » Elle lui a communiqué son esprit. Il n'y a que plus de mérite quand on n'a pas la même foi à faire les mêmes sacrifices. Oh, moi, on le sait, si je me sacrifie, ce n'est pas sans protestation, dit Madame Caudal en riant. Je ne suis point de la race des stoïques, mais Hélène est de celles qui peuvent sourire sous le couteau du sacrificateur. Plaisanterie à part. C'est une âme généreuse et vaillante, bien digne d'être la compagne de mon René. » Et ces conversations recommençaient à tout propos. L'excellente dame, qui se croyait si perspicace, n'ayant garde de s'apercevoir qu'elle infligeait au pauvre docteur un supplice inutile en faisant de lui le confident permanent de ses espérances. D'autres étaient moins aveugles, et si le docteur avait pu surprendre un petit bout de causerie entre deux jeunes filles dont on voyait les robes blanches paraître et disparaître au bas de la pelouse, entre les grands peupliers, peut-être aurait-il rapporté dans sa solitaire demeure un cœur plus léger et plus confiant. Hélène Rieux et Mademoiselle Luzan s'aimaient tendrement et, sauf les secrets qui concernaient autrui, n'avaient rien de caché l'une pour l'autre. Elles étaient charmantes toutes les deux sous le beau soleil d'été, que ne craignaient point leur teint de 20 ans et se faisaient valoir réciproquement par le traditionnel contraste de la brune et de la blonde qui, pour avoir trop servi sur les dessus de romance et les boîtes à dragées, n'en a pas moins son agrément. Berthe Luzan était grande, élancée, avec quelque chose de noble et de classique dans ses yeux bleus, son profil régulier, sa tête blonde, ses bras de statue. Hélène était brune, mignonne et pétrie de grâce. « Voilà encore ce pauvre docteur qui s'en retourne tout mélancolique, » disait Berthe. « Tu ne vas pas me rendre responsable, » dit avec un peu d'impatience Hélène, qui sentait un reproche sous les paroles de son amie. « Faut-il que je te l'avoue ? Je ne reconnais pas dans ta conduite envers lui ta générosité habituelle. Mais enfin, Berthe, que faudrait-il que je fisse à ton gré ? Encourager la délicate réserve d'un homme que tu honores, » dit Mademoiselle Luzan gravement. « Et qui est le seul que tu veuilles jamais épouser ?» ajouta Berthe en souriant. « Ce sera malgré lui, alors, » dit Hélène. « Avoue qu'il serait impossible de montrer moins d'empressement que mon soi-disant chevalier, comme si tu ne savais pas aussi bien que moi que c'est ta fortune qui le paralyse, sans parler des projets de ta bonne tante, qui ne sont un mystère pour personne. « Cela, » dit Hélène, « ce serait une raison raisonnable pour tout autre qu'Étienne, qui nous a entendu 10 fois, René et moi, nous expliquer carrément sur ce point. Quant à un accident de dot ou de fortune, il est indigne d'un homme tel que lui d'y attacher cette importance. « Ne parle pas ainsi, Hélène, » répliqua Mademoiselle Luzan avec douceur. « Tu ne peux pas savoir ce qu'il y a d'odieux pour une âme fière à paraître apporter un calcul en de telles affaires. Mais si je ne l'en soupçonne pas, moi, qu'importe l'opinion des autres ? Aussi, est-ce bien ce que tu devrais lui laisser comprendre ? En d'autres termes, il faudrait que je lui fisse des avances ? Jamais, s'il n'a pas le courage de renverser un si misérable obstacle, eh bien, nous resterons séparés. Pour être sans fortune, Monsieur Patrice n'en garde pas moins une valeur très haute à mes yeux, et je ne me sens pas plus de force à aller lui proposer mariage que je n'en aurais pour n'importe quel gros personnage. « Brave cœur !» dit Berthe en l'embrassant. « Mais prends garde, Hélène, d'être dure et injuste. Ce qui vous tient séparés est un si pauvre malentendu. »« Un malentendu, soit !» dit Hélène résolument. « Qui puis-je ? Malentendu qu'un seul mot suffirait à réparer, » se dit Mademoiselle Luzan songeuse. Et sans insister davantage, elle revint au sujet qui ne les divisait jamais, la croisière du yacht Cinderella et les beaux travaux de René Caudal. Or, au moment même où les deux amis s'entretenaient de ses plans et faisaient des vœux pour son succès, le jeune enseigne de vaisseau opérait sa première descente dans la cabine submersible établie sur ses dessins. Confortablement installé devant sa table de travail, au-dessous d'une montre marine, d'un baromètre anéroïde, d'un thermomètre et d'un cadran enregistreur des longueurs de câbles filées par le cabestan à vapeur, il notait d'une main tranquille ses moindres impressions pour les transmettre à sa famille. Et on va savoir ce que disaient les feuillets initiaux de ce journal d'un plongeur. Journal de René Caudal. 11 février, midi, 17 minutes. Longitude est, 24 degrés, 17 minutes, 23 secondes. Latitude nord, 34 degrés, 40 minutes, 7 secondes. Me voici calfeutré dans ma cellule, pour la première descente. La fermeture de la porte et des hublots paraît hermétique. Tout est en ordre, et chaque objet a sa place. J'ai versé dans la cuve 30 litres d'eau de baryte. Le flacon à oxygène est prêt à fonctionner. La lanterne électrique marche à souhait. En route, je sonne au téléphone et je donne l'ordre du départ. Filet 25 mètres. Au revoir, messieurs. C'est fait. Le bruit seul de la machine à vapeur au-dessus de ma tête et le mouvement de l'aiguille sur le cadran enregistreur m'avertissent de la descente, d'ailleurs aussi douce, aussi insensible qu'on peut la souhaiter. Au moment précis où l'aiguille marque 25 mètres, elle s'arrête. Tout va donc à merveille. Je le dis au téléphone et je reçois en réponse l'écho sonore des félicitations de mon hôte. Un rapide coup d'œil au dehors par chaque hublot me montre partout l'eau verte et claire, sauf au plafond, où je distingue très nettement la quille du yacht et l'ombre portée de la carène. Pas le moindre suintement dans les jointures. Les calfas de la Cinderella sont décidément des calfas émérites, comme tous les ouvriers du bord au surplus. Midi 20. Donner au téléphone l'ordre de filer encore 100 mètres de câble. Midi 22. L'aiguille marque 125 et s'arrête. Les eaux sont opaques et sombres. Dans le faisceau de lumière électrique projeté par bâbord, je vois filer le ventre blanc d'un grand poisson affolé par cet éclair sous-marin. Téléphoner, tout va bien, filer 300 mètres. Midi 28. L'aiguille marque 425 mètres. Autour de moi, tout est noir. Pas un rayon de lumière solaire ne peut percer le mur effrayant qui s'interpose entre l'atmosphère et ma cellule. Est-ce une illusion ? Il me semble que le silence est plus profond, plus complet, plus noir pour ainsi dire qu'au départ. C'est toute la différence. L'air de la chambre ne paraît pas avoir subi de modifications appréciables. La température est stationnaire, à 0,2 degrés près. Téléphonez, filez 500 mètres, avec lenteur, en vous tenant prêts à stopper au premier appel. Midi 36, l'aiguille marque 740 mètres. Téléphonez, ralentissez le filage du câble, en douceur et attention. Midi 28, bien m'a pris de ralentir. Une secousse assez forte m'avertit que j'ai touché le fond. Téléphonez, stoppez. L'ordre est exécuté en moins d'un vingtième de seconde. L'aiguille marque 934 mètres. Ainsi, la descente n'a pris en tout que 21 minutes. J'éprouve une sensation étrange de voyageur arrivé et qui a retrouvé le plancher des vaches. C'est une illusion singulière, un kilomètre au-dessous de la surface. Le fond des mers serait-il donc ma vraie patrie ? Téléphonez, tout va bien, touchez le fond, 934 mètres. Réponse, une volée de hurra. Réplique, merci, mais laissez-moi explorer le pays. Le parquet de ma cabine est sensiblement horizontal, ce qui prouve que l'appareil a atterri sur un sol plat. En effet, la lumière électrique, promenée par bâbord et tribord, par l'avant et par l'arrière, ne montre autour de moi qu'un lit de sable et de débris calcaires. Tout est mort, blanchâtre et immobile. Rien qui ressemble aux merveilles sous-marines des contes de nourrices ou de poètes. Que tout cela est loin du fameux rêve de Clarence, se représentant le lit des mers comme pavé de masses d'or, ancres abandonnées, tas de perles, pierres précieuses, joyaux inestimables gisant parfois en des crânes humains. Shakespeare, Richard III. Ici, point de crâne, et pas la plus petite perle. Rien qui puisse annoncer, hélas, le voisinage d'un être vivant. Rien qu'une poussière presque impalpable de mollusques du passé. N'importe. C'est le moment ou jamais d'essayer les tentacules de mon scaphandre et de prouver leur supériorité sur le suif du plomb de sonde classique. Un peu court, mes bras de caoutchouc. C'est à peine si j'ai pu, par tribord, toucher le sol et ramasser une poignée de débris. Débris que le gant imperméable a d'ailleurs fidèlement rapporté et que j'ai pu, sans trop de difficulté, introduire dans la cabine en retournant la manche et la fermant à l'aide de son obturateur pour détacher le gant et emmagasiner la récolte. Pas fameuse, la récolte, mais enfin la première de cette espèce qui ait été directement moissonnée par une main humaine à 934 mètres de profondeur, et de quoi donner, pour un bon mois, du travail au microscope de Monte-Cristo. Perfectionnement indiqué, allonger les bras de caoutchouc de mon scaphandre en les armant d'outils élémentaires, pelle, marteau, poinçon, qui seront fixés à la paroi extérieure de l'appareil. Sonnerie du téléphone. « Allô, allô ? Que me veulent ces braves gens? C'est Monte Cristo qui s'impatiente et me demande si je suis mort. Pas encore, je vais tout à l'heure donner l'ordre de me remonter. Le temps de prendre encore quelques notes, que diable! Air respirable, sans changement appréciable, l'oxygène est superflu. Thermomètre monté de 2 degrés 3 dixièmes, pression atmosphérique restée stationnaire depuis le départ. Allons, l'expérience décisive est faite. Il ne reste plus qu'à remonter pour recommencer sur nouveaux frais. Midi 57. Allô, allô, Whis ! C'est dit, nous dérapons sans douleur, à peine une secousse légère, quand le fond de ma cabine s'arrache à son lit de sable. Puis, un bruissement continu d'eau glissant sur les parois de l'appareil, qui monte, monte toujours, car l'aiguille du cadran indicateur rétrograde sans s'arrêter, à raison de 50 mètres par minute. Téléphoner, tout va bien, mais activez un peu la vitesse. Elle est maintenant de 80 mètres à la minute. L'aiguille marque 650. 1h13, un fracas d'eau s'égouttant de tous côtés. Une acclamation de l'équipage. Me voici remonté en 16 minutes. Je n'ai plus qu'à tirer le verrou et à sauter sur le pont.